Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait, parce que c'est un métier très dangereux. Point de vue sécurité, il faut toujours regarder où on met les pieds. Hein. Ça, c'est bien connu. Donc, il ne faut pas avoir la tête en l'air. Et puis, bon, c'est un bruit. C'est un bruit, disons qu'on est dans une profession qu'on est. Hein, on n'est pas gâté.